Ça dépend de la musique que tu fais. Mais c'est clair qu'après, bon, tu as des distorsions, du rock ou d'autres morceaux, ça, c'est très bien aussi. Hein. Moi, j'aime tout.